heures. Je suis là où y'a des faits divers, artistes et producteurs. J'attire un masse d'auditeurs, je veux me fondre dans la masse. Tu me verras jamais en eau d'hiver. Perdre un poteau que t'aimes bien, ça casse le cœur comme un divorce. Je lâcherai, je suis motivé, j'ai le montrage activé. Si j'en suis où j'en suis, c'est que c'est pas un accident. Je suis pas les totos, fais pas de mal à tata. Donne pas le bro, ça va faire ratatata. Dans ma tête, ça tourne par an. Ici, on descend tout ce qu'a coulé dans Marseille. Pendant OM Paris, on pète les fumigènes sur les scooters. On fait Michel. Ça fait des poursuites, finis au gel. Tu ressors de là-bas en ébullition. Je fais mon chemin solo. Nix qui m'en s'aligne, nix qui parle dans mon dos. Je sais que devant moi, il s'aligne. On se reparle si tu veux. Mais crois pas qu'on s'allie. Parce que j'oublie pas quand tu m'as laissé seul comme une petite salope. Je suis pas comme les gens. J'ai mon mental à moi. Et ouais, moi, j'oublie pas moi. Quand on me tend la main, elle sait que je l'aime. Jusqu'à la mort, je pense à faire mon album, même dit qu'elle a besoin d'amour. Je dors pas la nuit, je regarde la lune sur l'autoroute. Je reste droit avec les gens, je veux pas m'en prendre une dans le thorax. Un jour faudra que tu prennes par les cornes le taureau. Parce qu'ici tu peux très vite passer de pas Winamax sans passer par Winamax. Hein? Quand je lève, je dis à la gratte, pas bouger sur le T-Max. Un instru et un Schweppes, tu connais la crise au mic. Ça me rappelle à la pente quand chez il faisait fumer la wax. J'oublie pas où j'ai grandi, mais bon, je suis un peu dégoûté. Ça serait pas passé comme ça si on m'avait un peu écouté. Bon, l'équipe, je vais rentrer. Me reste un fond de la bouteille, que ça tu fais le droit avec les gens. Comme si petit on t'avait pris ton goûter. HD Rail, j'ai un poids sur mon dos, comme si j'irais un terrain. Pour coffrer tout mon taf, j'ai pris un disque dur, tissu terra. Dis-leur que tu vas avancer, même avec des clous sous les roues. J'suis pas le seul à avoir des soucis, des regrets, des remords. Si t'es mon pote, allège-moi, là je te sens comme une remorque. Rien que tu fais des remarques. Et quand quelqu'un réussit, c'est là que tu te moques. Et ce qu'ont fait les salopes, t'inquiète, ils voient tout là-haut. Photo, moi je viens de là-haut, y'a des Raphaël et A.O. Des Renato, Valandiaska. Tu connais du le car blanc en couleur Alaska. Faut pas parler en ski, reste vrai avec moi. Porte pas de masque, faut que je me taille au ski. Au coffee à hospi, que je prenne un peu d'inspi. Inspi, faut pas finir comme Britney. On dit nord sur la L2, on prend Kerim, on passe à la lime. J'ai la chapka sur la tête, j'ai encore un mine dans ma narine. Que je croise les bleus marines, là je passe vers la marine bleue. Personne ne peut m'arrêter, moi c'est l'OM comme Ariteux. Tu croyais que j'étais mort, parce que tu m'envoyais plus sur le net. Tu croyais que j'avais pris un coup, parce que je mettais un peu sur le tech. J'ai traîné, j'ai jobé, mais jamais j'ai gobé. R à faire, tu connais, je m'en fume comme un drogué. Je pense aux gens qui m'ont pas voulu du bien. Du bien, j'ai la flemme de sortir, on me dit tu viens, j'ai trop de poids sur mes épaules, comme un patron de réseau, je pars un an à mort, je pars stuché, même quand je sors de la maison, je reste seul, je me renferme, c'est peut-être j'ai mes raisons, mes problèmes je résous, obligé de mettre côté le sang, côté passager, le siège me masse. Là je passe vers Free Valence, c'est pas les Bahamas, braque à charbon pris en chasse, guetteur assis sur la chaise, nix qui te met dans la sauce, nix qui veulent mettre dans la cesse, pas tes sauces, c'est pas tes sauces. Qu'on calcule pas, ça me donne plus envie de parler. J'aime pas ceux qui assument pas et ce qui pourrait en sorte le tarper. Juste pour se montrer, une envie de détarter. Font pas les voyous partout qu'avec les faibles du quartier. Là je passe par le secteur, je dis merci bon Dieu, je suis plus là. Toujours se fumer de piave, mais je respecte les gens nia. J'ai vu du tout, c'est la frappe, c'est un peu comme la belle dia. Je suis rentré dans le game, armé jusqu'aux dents, comme les frères Diaz. Buenos Dias, Marseillais, je danse le mien avec Fratello Mio. Le buzz, l'argent, les blèmes, Dieu merci, je passe serré. Je dis juste ce que je vois, ce qui passe, j'ai pas besoin de voir des séries. Si c'est triste et réel, ça rafale et un fourrière. Ça rock, ça veut le king, coup de pied dans la fourmilière. Ils veulent ma vie, c'est focus, savoir combien j'ai prière. Pendant que moi solo, je demande à Dieu des belles choses dans mes prières. Ne m'énerve pas, je peux pas crier, lâche pas tes potes pour une groupie. J'ai traîné, j'ai zoné, j'ai vu des civils accroupis dans les puissants, en pleine mission, les frissons, ces fils d'eux, ils veulent le hazy. Alors, tu vois vraiment qui est là quand l'ennemi fait parler la poudre. Tu vois vraiment qui est là quand en face ça veut en découdre. Coup de poing, coup de batte, maintenant c'est fini, CZ ça te cloue le bec. Tu vas faire le moonwalk. Ma maman m'a appris qu'entre frères on se baisse pas. Entre frères on se blesse pas, entre frères on se laisse pas. Faut pas le fou ça pète, prends pas pour ta pute. Qu'est-ce qu'elle a ma tête, elle a trop faim. T'as vu comment elle m'a pisté sa pote. Nique sa mère comment je suis sapé, je nique tout, il me lèche les choses après. T'as fait la malle en boîte, t'as pas un cadeau à ton fils sous le sapin. C'était un gentil avant, il s'est mis dans le milieu 2 ans plus tard. J'en connais, ils aiment tellement les arbres, ils font des gâtés à leur guitare. Et puis je fais demi-tour, j'suis trop fumé, il me reste un peu. Je me sens pas le contrôle, en plus la loque, j'ai pas le contrat. Tu m'as aidé, je dis pas le contraire et je t'en suis très reconnaissant. Je te jure, j'ai pas compris quand toi tu me l'as rendu en me laissant. Il fait froid mais je descends, faire un droit avec les seins. Je suis fier de moi, même ma grand-mère elle reconnaît mes sons. Pense à toi qui a pas le moral, à la plaque ça chauffe la cellule. Devant la juste c'est pas des lol, t'aimerais voler comme une libellule. Ils mettent tes affaires sous scellé, ici c'est beau mettre c'est lunes. C'est le pointé, central d'Alt, Tarascon. Les mineurs à l'EPM. Dehors c'est braque au Gambu, Willinga KTM. Sa chine pour passer du stunt au BM. Hein? Du stunt au BM. 3 Marseille City. Des fois je suis un peu sitia. Ça tire comme dans Call of Duty. Tu vas traîner des résidus en noir comme des ninjas. Laisse-moi l'un des médias. Ça va, j'en connais deux ou trois qui sont là dans l'immédiat. Je viens d'ailleurs comme IT. J'ai fait du rap mon métier. Je crée un style qui s'est propagé un peu comme les produits laitiers. Ouais, j'suis papy, papy. Nage pas où t'as papier. Je vois un grand comme tapis. Je suis là pour vous épater. Je connais la rue, les pimpants, les pampans. Renard 182 dedans. Je connais des gens dans le charbon et ils sont bloqués dedans. Ça perd des potes, ça s'en fait des nouveaux et ça s'éteint. Et ça s'éteint. Fais gaffe à qui tu parles, car dans la street on sait tout. Car dans la street on sait tout. Tu fais pleurer des gens, tu vas pleurer dans le ghetto. Tu fais du bien aux gens, t'auras du bien, t'inquiète pas. Tu respectes les gens, on te respectera dans le ghetto. Tu veux être craint des gens, ça dure pas, t'embête pas. J'ai des RDP, je me lève pas, je suis trop calé dans mon lit. Tu fais la guerre à la Sandra Paoli.